J'entre dans une zone 30. Réponse A. Une zone de rencontre. Réponse B. La vitesse est limitée dans cette rue seulement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.